cette seule pensée que je puisse donner depuis que je t'ai rencontré. Tu vois, je suis amoureuse. Ça m'emmerde d'amour. Tu sais, en plus que...